New York, le maire Giuliani et d'autres ont parlé de dizaines de milliers de victimes éventuellement à la suite de ces attentats suicides entre les deux tours du World Trade Center. Du côté de Washington, où il y a un avion suicide qui s'est écrasé sur une aile du Pentagone, il semblerait qu'il y ait aussi un certain nombre de blessés et de Giuliani et d'autres ont parlé de dizaines de milliers de victimes éventuellement à la suite de ces attentats suicides contre les deux tours, du World Trade Center. Du côté de Washington où il y a un avion suicide. Le maire Julien.